Nous allons prendre la communion ensemble aujourd'hui. Et donc, je voulais faire un enseignement un peu plus court et peut-être simplement plutôt dévotionnel pour nous encourager, nous stimuler, pour nous rappeler que nous avons tous beaucoup d'attentes par rapport à la vie et que ces attentes souvent ne sont pas rencontrées sur Terre ou dans nos environnements personnels, mais que Dieu, lui, transcende nos attentes. Le titre de notre dévotionnel enseignement, « Attendez-vous à l'inattendu ». Attendez-vous à l'inattendu. Souvent, on passe des mois, même des années à préparer des moments charnières dans nos vies. Je pense à ce voyage que je viens de terminer. Et on avait préparé ça pendant des mois. Il y avait toutes sortes d'attentes. L'attente, c'est bien parce que ça amène un enthousiasme. On est « Oh, wow, j'ai hâte de partir, ça va faire du bien, le soleil, le ci, le ça. » Et là, on a toutes sortes d'attentes qui se mettent en ligne dans nos têtes, dans nos cœurs. Bon, ça, c'est un voyage, mais ça peut être le début ou la fin d'études. Ça peut être un nouvel emploi. Ça peut être la fin d'un emploi et on se dit « Ah, lorsque je vais terminer ce travail-là, je vais partir et j'ai ceci et cela en tête et j'ai des attentes. Je vais grandir de cette façon-là. » Ça peut être le début ou la fin d'une relation affective. Hein, quand on commence une relation amoureuse, on est plein d'attentes. Waouh! C'est beau ces attentes-là, surtout si elles sont basées sur la parole. Elles seront plus rarement brisées ou insatisfaites. Mais les attentes, ça fait partie de nos vies, n'est-ce pas? On est plein d'attentes, plein de désirs, plein d'attentes pour le passé, le présent, le futur. Le mot « attente », ça vient du latin « expectare ».« Expectare » qui « spectus », qui parle de regarder comme un espion, de voir derrière le voile. L'attente, la capacité de voir derrière. Il y a deux façons de voir ça. C'est l'attente, voir le futur. On veut voir le futur à l'avance, finalement. Ou aussi, en anglais, c'est intéressant, on dit que expectation, l'attente, ça peut être l'attente d'un enfant. She's expecting. Elle attend cet enfant. Alors, il n'y a rien de plus, évidemment, de plus rempli d'attente et de crainte que la venue d'un enfant. D'ailleurs, Jason, qui vient nous quitter, on peut parler de lui, il n'est pas là. Non, son épouse va avoir un enfant d'une semaine à l'autre. Alors, ils ont plein d'attentes. Ils sont pleins d'attentes. Mais aussi, ça peut nous dire que c'est c'est l'acte ou la position de l'anticipation. J'anticipe. J'anticipe ce qui va se passer. Je suis plein d'attentes. Il y a des exemples dans la parole de personnes qui avaient des attentes et des gens qui avaient des attentes pour eux. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La différence entre vos attentes, les attentes de Dieu pour vous et les attentes des gens pour vous. Surtout votre famille. On va voir dans les exemples dans l'Ancien Testament deux hommes, Joseph et David. Et c'est intéressant de voir que surtout leur famille était remplie d'attentes qui étaient souvent pleines de souffrances, des attentes égoïstes, des attentes négatives. Oh, mais moi, je m'attends à ce que tu ne réussis pas, on a déjà eu ça, on a déjà eu cette sensation qu'il y a des gens qui viennent et qui nous disent « Non, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Essaye même pas. Planter une église à Montréal, es-tu fou? Je m'attends à ce que tu ne réussisses pas. » Incroyable. Imaginez-vous si on devait prendre ses attentes et vivre sur celles-ci, on n'aurait plus d'espoir, on n'aurait plus d'anticipation, on serait immobilisé, mis dans une boîte. Et le monde autour de nous, les gens autour de nous, souvent veulent nous mettre dans des boîtes comme ça, nous nullifier. Avez-vous déjà senti ça? Puis là, on est comme, un patron ou un professeur à l'école qui dit... Tu n'es pas capable. Je te donne un C, un D, tu ne seras jamais capable d'avoir un A. On a déjà vu ça. C'est souffrant, c'est difficile. Voyons Joseph. C'est une histoire absolument incroyable dans l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles devant vous, de ce côté-ci, ou sinon, partagez-les. Devant vous, il y a une Bible sur les sièges. Dans la Genèse, verset 37, c'est une histoire assez incroyable que celle de Joseph. cet homme-là, qui était un peu un homme choisi par Dieu. Donc, si vous n'y en avez pas, il peut y en avoir de l'autre côté, peut-être leur passer des bibles. Lancez-les. Non, peut-être pas, mais enfin. Joseph était appelé par Dieu. C'est un bonhomme vraiment intéressant de voir que sa vie était comme déjà planifiée par Dieu. Genèse, le tout premier livre de la parole, chapitre 37. 37, 3. 37, 3. Et ça, c'est le papa de Joseph. 37, 3 de la Genèse. Israël, c'est le nom, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu, dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique bigarrée ou multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » C'est pas compliqué, c'est un rêve qui dit qu'un jour, tous mes frères se prosterneront devant moi. Alors évidemment, les frères qui étaient déjà jaloux de cet homme-là, de ce jeune homme-là, avaient des attentes envers lui fort négatives. D'ailleurs, leur attente n'est pas compliquée. Leur attente, c'est que Joseph soit éliminé de la scène. Je m'attends à ce que je puisse me débarrasser de ma souffrance. En deux mots, toi. Toi, t'es mon problème, je me débarrasse de toi. Alors, vous savez l'histoire, et si vous ne savez pas, ça vaut la peine de le lire, c'est extraordinaire. Ils le mettent dans un trou, dans une espèce de puits abandonné, pour le laisser mourir. Et il se fait amener en Égypte, pris en tant qu'esclave, et il se retrouve dans une maison d'un homme qui s'appelle Potiphar, et il est pris en amour par cet homme-là, dans le sens qu'il est un serviteur extraordinaire, évidemment, c'est un bon bonhomme, Joseph. Et là, il se retrouve dans une situation bien particulière, où il est très apprécié, et soudainement, encore une fois, une autre personne vient dans la vie de Joseph, avec des attentes bien particulières. Voyons ça ensemble. Genèse 39. 39, 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et l'Égyptien, Potiphar, chambellan du Pharaon, donc c'est quelqu'un qui est politiquement bien connecté, commande des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient fait descendre. Donc on voit, il est esclave. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tout égard. Il était dans la maison de son maître égyptien. On voit au verset 7. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. » Comment ferais-je donc un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Alors, on voit que Joseph a un bon cœur pour Potiphar, un bon cœur envers cette dame et un bon cœur, évidemment, envers Dieu. Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Écoutez bien, un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage, il n'y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors elle se saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. On s'imagine nu. Et évidemment, on voit plus tard qu'il se retrouve en prison parce que Potiphar va écouter son épouse. Mais le point est ceci. L'attente de cette femme-là face à Joseph, c'est de satisfaire ses désirs sexuels. Alors là, tu as un sérieux problème. Tu te retrouves dans une situation où tu es entre les mains d'un individu qui a une puissance, parce que c'est la femme de ton employeur. Et ça nous arrive régulièrement. Des gens qui abusent de leur capacité, de leur pouvoir pour nous faire souffrir, pour nous faire souffrir, pour nous faire souffrir. Tout à l'heure, on a vu que c'était sa propre famille. Là, c'est quelqu'un au travail, encore une fois. Ça m'est arrivé, j'avais des patrons qui m'ont fait baver. Ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Mais l'idée, c'est qu'il faut courir. Il faut courir dans le sens qu'il ne faut pas se mettre dans des situations où on encourage ses attentes face à nous. Et qu'après, la personne peut dire, ben oui, mais c'est pour ça que j'avais des attentes face à toi, parce que de toute évidence, tu es un mauvais employé, tu es quelqu'un qui couche avec... Vous voyez la situation, si Joseph avait accepté les propositions. Alors, il se retrouve en prison, on dit, et il y a une personne qui est un autre serviteur, on l'appelle le grand échasson. Le grand échasson, lui, en tout cas, ils font une négociation en prison, et le grand échasson réussit à sortir de prison, et Joseph lui dit, assure-toi de dire aux gens que je ne suis pas coupable pour me faire sortir d'ici. Et le grand échasson, la Bible nous dit, que lorsqu'il est sorti, qu'est-ce qu'il fait? L'attente du grand échasson par rapport, ou du serviteur, par rapport à Joseph, c'est que il n'y a aucune attente. Il l'oublie, il l'abandonne. Ce qu'il lui avait promis dans la prison, il ne le fait pas. Alors encore une fois, Joseph se retrouve à la main de quelqu'un qui a des attentes terribles par rapport à la vie de Joseph. Les attentes des autres nous étouffent. Et elles nous empêchent de suivre le plan de Dieu dans nos vies. Il ne faut pas laisser les autres, et même les gens les plus près de nous, il ne faut pas laisser les autres gérer notre vie, dans le sens que leurs attentes vont souvent, sinon toujours, limiter la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des humains. Et leur vision est étroite par rapport à celle de Dieu pour votre vie. Voyez-vous? Ce que Dieu veut pour vous, c'est tellement plus grand, tellement plus merveilleux. Chapitre 45, et vous allez voir finalement la fin de l'histoire. Chapitre 45, verset 4. Et là, bon, l'histoire continue. Les frères de Joseph se retrouvent en Égypte. Il y a une famine importante en Israël. Ils se retrouvent là et... Finalement, Joseph sort de prison et il devient finalement le premier ministre du Pharaon, la personne en charge de l'Égypte, dont Dieu, de toute évidence, avait une attente merveilleuse par rapport à la vie de Joseph. Et là, ses frères viennent le voir et on voit ici, 45, verset 4, « Joseph dit à ses frères, je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph. » Alors, il révèle qui il est, parce qu'ils ne le reconnaissent plus, ça fait des années, « Votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous, gardez en vie, que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a famine dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays, et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. » Les gens veulent vous limiter, vous étouffer, vous mettre dans des puits, vous donner des mauvaises jobs, vous dire que t'as pas des bonnes notes, vous dire finalement, bon, t'es un comme tant d'autres, je sais pas si vous êtes un artiste, à combien de fois on va vous dire non? Combien de fois on va vous dire non à l'université, à l'école, plein d'endroits? Et pourtant, Dieu a un plan merveilleux pour vous, messieurs, dames. Un plan merveilleux qui va, à travers vous, satisfaire sa volonté pour les gens qui vous entourent et même pour les gens qui vous auront fait grandement souffrir. Merveilleux. C'est merveilleux de savoir que Dieu utilise votre vie. Et sachez ça. C'est pour ça que dans un corps de Christ, il veut vous acheter, vous réutiliser, vous maximiser. Parce que vous ne savez pas ce qu'il peut faire à travers vous. De toute évidence, je ne savais pas ce qu'il pouvait faire à travers moi. Et il veut faire de grandes choses à travers vous. On nous dit dans chapitre 50, verset 17, que, c'est un verset bien connu, 50, 20. « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Ceux qui veulent vous faire souffrir, Dieu prend ça et le transforme. Donc, ça fait partie même dans les divorces, ça fait partie dans des situations légales où les gens vous poursuivent en justice, des choses absolument terribles qui se passent. Dieu rachète. Soyez en paix. On voit la même chose dans la vie de David, d'un autre angle. La vie de David, vous la connaissez un petit peu plus, alors on va la lire un peu moins. Dans 1 Samuel 17, on nous parle de David, cet homme-là, vous avez connu ça, qui se bat contre Goliath, finalement un jeune bonhomme qui s'occupait des brebis dans les champs. Et on voit qu'encore une fois, sa famille, et vous avez peut-être senti ça, avez-vous déjà senti que votre propre mère, votre propre frère, vos oncles, vos tantes, votre père, vous limite en vous comprenant mal, en n'acceptant pas votre chrétienté, en voulant limiter qui vous allez marier ou qui vous allez pas marier ou où vous allez aller ou quelle école vous allez fréquenter. Hein? On a tous vu ça, on a tous senti ça à un moment ou à un autre. Ici, les frères de David. Les frères de David, c'est pas compliqué, ils pensent que c'est un petit niaiseux et ils veulent le nullifier, le mettre en boîte, le mettre en boîte. Mais tu es le petit jeune, David, reste donc chez vous à sucer des petits suçons, à t'occuper des brebis, alors que nous, les frères, on va aller à la guerre et se battre contre les Philistins, dont le soldat principal est Goliath. Hein? On s'imagine ce gros bonhomme-là, ce grand bonhomme-là. Même le père de David, on se disait, écoute, un père, quelqu'un qui t'a mis au monde, devrait au moins t'élever. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Le père de David ne l'invite même pas. Quand Samuel vient voir la famille et il veut choisir un roi parmi les frères de cette famille-là. Et on se dirait, ben, amène tous les frères, là, Samuel pourra choisir. Le père invite tous les frères, sauf David, qu'il laisse dans le champ, parce que le père se dit, ben oui, mais Dieu choisira jamais ce petit niais-là, qui s'occupe des brebis de toute façon. Et il l'invite même pas. Et à la fin, Samuel, après avoir vu les grands frères beaux et forts, il dit, moi, mais il y a personne ici, ça n'a pas de sens. Dieu m'a dit de venir trouver un roi, mais il est où? Il est pas ici. Ils sont beaux, ils sont grands, mais ils n'ont pas le cœur qu'il faut. Et c'était qui? C'était David. Alors, tu imagines le père humilié, il fait venir David et c'est effectivement lui que Dieu a choisi. Alors, vos propres familles veulent vous nullifier, vous mettre en boîte. Dieu peut vous sortir, peut magnifier votre vie. Et finalement, Saül. Saül, c'était le roi à ce moment-là. Et David se met à travailler pour Saül, il joue de la harpe, il relaxe le roi. Mais là, il voit la situation que Goliath est immense, tout le monde a peur de lui, et David, plein de force de Dieu, se dit, moi, je vais aller me battre contre ce bonhomme-là. Alors, on imagine que c'est un ado. Hein, un ado, on en voit, il y en a en bas, ils sont, tu sais, ils sont un peu, on les aime beaucoup, mais ils sont un peu chétifs, hésitants, hein, ils sont jeunes, quoi. Alors que tu as un bonhomme de 35, en pleine forme, immense, une brute. Et Saül lui dit, ben oui, mais tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. En deux mots, oublie ça. Incapable. Faut pas partir une église à Montréal, es-tu fou? Il n'y a rien à faire là. Montréal, c'est Goliath. Québec, c'est Goliath. Oublie ça. Joins-toi à nous. Oublie ça. Alors, ça, c'est mon exemple à vous, mais dans vos vies, quotidiennement, on va vous dire, ben voyons. Des fois, on est très, ils peuvent être très efficaces, ça serpente, oui, mais t'es sûr. Et d'autres, ils vont dire, non, absolument pas, tu peux pas avoir ce poste-là, tu peux pas avoir cet examen-là, tu peux pas rentrer là, tu peux pas faire ça, c'est très, très clair, on te bloque le chemin. Ensuite, nos propres ennemis ont des attentes par rapport à nos vies. Là, on voit les attentes de Saül, du père, des frères. Nos propres ennemis, les gens qui sont de toute évidence, des gens qui ne vous aiment pas la face, bon, en espérant que vous n'en avez pas beaucoup, mais vous en avez toujours un peu, même si vous ne le savez pas. Moi, en quelque part, encore une fois, en partant une église comme ça, je me fais un peu, malheureusement, ennemi de certaines gens qui se disent, « Mais là, c'est l'église à Montréal. Voyons donc, tu fais ça. » Oui, d'accord. Et voilà pourquoi je vous laisse faire la vôtre et je ferai la mienne. Vous voyez, c'est qu'on se fait des ennemis même sans le vouloir, même sans être méchant. On se fait des ennemis parce qu'on essaie de se frayer une place dans cette société. Et des gens qui n'aimeront pas votre position. Et dans ce cas-ci, c'est Goliath. Il n'aime pas voir David venir vers lui et il se moque et lui dit « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Ça, c'est les attentes de Goliath pour David. « Je vais te couper un petit morceau, je vais te donner aux animaux. » Ça, c'est ça mon attente. Ça va être le fun de nourrir des oiseaux avec ta chair en morceaux. Wow, pas très positif. Pas très positif. Mais sauf que David, lui, il savait qui il est. Il connaissait sa position en Dieu. Donc, il n'est pas effrayé, il n'est pas inquiet, il fonce avec sa petite fronde. Et on dit qu'une fronde, quand tu la manipulais bien, et justement parce qu'il avait été dans ces champs-là, avec ces lions-là, avec ces ours-là, La fronde, ça peut tuer un animal, un lion, c'est une tête grosse comme ça. J'étais dans un zoo récemment, c'est incroyable, c'est des bêtes merveilleuses. Ça peut tuer un lion à grande distance, donc un humain là, avec un petit front, une petite peau ici, ça rentre en plein dans le front. Et donc la vitesse, la vélocité de cette pierre-là est incroyable. Et Taklar, Goliath tombe, Dieu, encore une fois, nous montre les attentes qu'il avait face à David. Des attentes de l'utiliser pour des grandes choses sur terre. Ça nous amène à notre texte dans Pierre. Pierre, dans le Nouveau Testament, c'était quoi ses attentes? Et c'est quoi les attentes de Dieu pour lui et les gens pour lui? Venez avec moi dans Actes, chapitre 12. Et c'est ça l'idée. C'est souvent, quand on étudie la Bible, c'est justement d'aller voir l'Ancien Testament, de voir la ligne directrice est d'arriver au Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance qui nous rejoint plus particulièrement. Actes, chapitre 12, verset 1. Actes, c'est tout de suite après les quatre évangiles dans le Nouveau Testament. Petit livre qui décrit la création de l'Église après la mort de Christ. 12.1. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église. Pour les maltraiter, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. La première attente que l'on voit face à Pierre, c'est quoi? C'est une attente, finalement, de l'utiliser comme pion politique. Hérode, qui était le roi des Juifs à ce moment-là, se dit « Ah, mais tiens, je me débarrasse des chrétiens, les Juifs aiment ça, ça satisfait tout le monde. Moi, je garde et j'augmente mon statut politique, je me débarrasse de chrétiens qui font un petit peu trop de bruit à mon goût, et les Juifs m'aiment plus. » Ça ressemble un peu évidemment à la politique d'aujourd'hui, hein, où on voit que tous les mouvements sont calculés pour rapporter un gain politique. Hérode nous donne un bon exemple, il y a 2000 ans, ça a très peu changé. Bon. Le but et l'appel d'Hérode pour Pierre, c'est la destruction. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple bien cocasse du film Goldfinger de James Bond. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est peut-être parce que moi je suis un amateur, mais dans James Bond, Goldfinger, James Bond se retrouve sur une table et il y a un immense laser qui s'apprête à le trancher en deux. Une scène effrayante et cocasse. Et ce laser s'approche de lui pour le trancher. Et James Bond, de façon très calme, dit à Goldfinger, « Est-ce que tu t'attends à ce que je parle, Goldfinger? » Et le méchant, un peu rondelet, lui dit, « Non, Mr. Bond. Non, Monsieur Bond, je m'attends à ce que vous mourrez. » C'est ça son désir. Le désir du vilain, c'est pas d'avoir l'information, c'est de faire mourir James Bond. Et là, évidemment, tout se retourne, James Bond se libère et là, Goldfinger plus tard va mourir. Bon, voilà. Ça, c'est James Bond, c'est toujours bien, bien divertissant. D'ailleurs, j'ai le texte précis ici, si vous jamais voulez savoir. Mais c'est de voir que les attentes des gens, c'est des attentes de mort, de destruction, d'attaque, de nullification, encore une fois, dans la vie de Pierre. Comment répondre aux attentes erronées des gens pour vous? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut se libérer et grandir en se protégeant de ces attaques-là, finalement, de ces nullifications, de ce carcan-là que les gens veulent mettre dans votre vie? On voit ici 12:5, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Merveilleux. Sans relâche. On lui dit juste avant ça, sans relâche. La prière, messieurs, dames, ce que l'on fait jeudi soir, ce que vous faites en espérant chaque jour, c'est de nous libérer de cette boîte-là. Nous-mêmes, nous mettons dans des boîtes. Nous-mêmes, nous nous limitons. Oh, moi, je ne suis pas capable. Impossible. J'ai peur. Ça ne marchera pas. Cette relation-là ne marchera pas. Je ne peux pas changer de travail. Je ne peux pas voyager. On est dans des boîtes, des carcans. On s'étouffe nous-mêmes. Et en plus, les gens autour le font avec plaisir. Mais non, pas possible. T'as pas assez d'argent. T'es pas prêt pour ta retraite. Es-tu malade? Faut que tu travailles un autre 15 ans. C'est incroyable. Tout le temps, des peurs, des pressions. La prière. Ici, les gens prient pour lui. Mais on s'imagine aussi qu'il prie pour lui-même. La prière vous sort de la zone de l'inquiétude et vous entre dans la zone de la foi. De la foi. Ah, tout est possible. Tout est possible. Par Christ qui vous fortifie. Mais ça, c'est une autre façon de penser. Nous sommes enfin libérés. Nous sommes libérés. Donc, quand vous dites à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour toi? C'est ça que vous essayez de faire pour lui. Vous essayez de l'aider à comprendre qu'elle ou il n'est pas pris dans une boîte. Il ou elle n'est pas pris dans un piège. Il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies. Verset 6, Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre dormait! On nous dit dans les versets précédents, on ne parle pas d'un petit jury là où tu vas te retrouver. Bon, arrêtez de parler de Jésus, ou sinon on vous donne un ticket. Quand nous, on va dans le métro, les policiers viennent nous voir souvent, ils nous disent, bon, ben là, il faudrait arrêter de faire ça, on n'a pas le droit de passer de pamphlet. Ah bon, parfait, pas de problème, monsieur l'agent. Puis là, il fait un petit sourire, faites-le plus, on s'en va. Bon, c'est mignon. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est la mort dont on parle. Pierre allait se faire amener dans une espèce de truc bidon et se faire probablement tuer en coupant la tête ou en lançant des pierres ou en torture terrible. Donc, mais Pierre, il dort. Mais voyons donc, Pierre. Vous autres, dormez-vous quand vous savez que le lendemain matin, vous allez avoir un examen terrible, une opération, que vos enfants, que votre situation va changer, que vous devez déménager. Non, vous ne dormez pas bien, en tout cas. Tu ne t'endors pas bien, tu ne te réveilles pas bien, tu es inquiet, tu es anxieux. Pierre, lui, dort. Hein? Un peu comme à la Obélix. Tu sais, Obélix dans les prisons, là, on voit ça. Et puis, très relax, ben, on sort d'ici, pouf, puis là, il sort, tu sais. C'est un peu ça l'idée, mais sauf que... La force, c'est pas la potion, c'est Dieu. C'est que complètement, Pierre est complètement détaché. Pourquoi? Parce que dans Philippiens 4, vous connaissez le verset, mais regardons-le ensemble. Philippiens 4, il devrait que 4 livres à votre droite. De Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous seulement quand les choses vont bien. Seulement quand vous avez des sous, quand vous pouvez payer votre loyer, quand tout est sous contrôle. Mais non. Le mot toujours ici, dans grec, veut dire toujours, constamment, sans arrêt. Réjouissez-vous tout le temps. Peu importe les événements dans vos vies. Même quand il n'y a rien qui va. Rien ne fonctionne, l'échec ne rentre pas, la relation, c'est plein de conflits. Réjouissez-vous, toujours. Ensuite, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, verset 6. Mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Quand on nous dit que sa paix gardera vos cœurs, on nous parle justement d'une garnison, et non pas garnir d'oignons et d'olives noires, mais une garnison de soldats qui gardent votre cœur protégé, dans un château. Votre cœur sera mis dans un château fort, en priant, en suppliant « Dieu, aide-moi » et en remerciant Dieu dans toute situation, vos cœurs seront gardés. Dans un château fort. Ah, je suis protégé. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Je suis bien entre ses mains. Souvent, vous avez remarqué dans vos vies, Dieu nous délivre à la 11e heure, en toute fin de course. Là, c'est à quelques heures de la mort de Pierre. Et c'est là que l'ange vient le libérer. On va voir dans un instant. Dans vos vies, avez-vous remarqué ça? Dieu attend tout le temps la dernière minute. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas payer mon loyer 6 mois à l'avance avec un chèque majeur de 12 253 $? Ça serait bien. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Non, il va pourvoir à vos besoins financiers, émotifs, techniques, spirituels à la dernière minute. pour que vous viviez par la foi, pour que vous appreniez à dormir malgré le fait que les choses ne fonctionnent pas comme vous voudriez. Parce que là, à ce moment-là, lui, il se glorifie. C'est beau. C'est beau. À la 11e heure, à la dernière minute, à la dernière minute. On continue dans chapitre 12 et on voit que, verset 7, « Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit, « Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. » Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils lui eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit et d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, verset 11, « et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Nous sommes dans Actes 12, 12. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Ils priaient pour lui. Quand ils eurent frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent, « Tu es folle », mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi, et ils dirent, « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Même Pierre ne s'attendait pas du tout à ce que Dieu l'aide. On est souvent comme ça, on se dit, « Mais non, mais là, il est trop tard, là. Ça ne sera pas Dieu, ça va être la banque, il faut que j'aille à la banque, faut que j'aille voir mon chum, mon ami, ma mère, mon frère, il faut que j'en prenne des sous, il faut que je change ma situation, il faut que je déménage, il faut que je fasse ça de par moi-même, parce que de toute évidence, Dieu m'a abandonné. » Pierre, il a enlevé ses sandales, il a enlevé ses vêtements, l'ange le réveille, il dit, je vais y aller, mais je ne pense pas que c'est Dieu. Et il est étonné. Ses propres attentes par rapport à lui, elles limitent la main de Dieu. Il se retrouve dans la rue. Et il est de toute évidence libéré. Il est libéré. Les attentes des gens par rapport à Dieu sont toujours limitées, sont toujours encastrées dans notre manque de foi. Alors là, ce qui est très, très, très drôle, c'est qu'il arrive à la porte d'un endroit où les gens prient pour lui. Et cette petite dame, vous connaissez l'histoire, elle vient à la porte, elle entend Pierre, et au lieu de lui ouvrir la porte, et lui est en train de risquer sa vie, elle retourne à l'intérieur dire « Pierre est là, mais tout le monde se moque d'elle, mais voyons donc, c'est peut-être son ange, c'est peut-être toi qui as mangé un burrito de trop ce matin, ou une nourriture peut-être plus du Moyen-Orient, mais enfin, de toute évidence, tu fais un rêve, parce que Pierre est en prison. On n'a aucune attente à ce qu'il soit délivré, voyons donc, ça se passe pas. » Il n'y a personne qui croit. C'est incroyable. Ils sont en prière. Gloire à Dieu. Mais leur foi est très moyenne. C'est comme un peu nous, n'est-ce pas? On peut prier, on peut venir à l'église, on peut lire la Bible, mais en quelque part, quand on frappe le mur, quand les choses sont dures, oh, mais là, c'est pas la même chose. Pour les gens dans la Bible, ça marche, mais pour dans ma vie, là, c'est autre chose. Là, c'est un vrai défi. Un vrai défi. Même les gens ne croyaient pas que ça pouvait être Pierre. Même chose pour notre Église. C'est pour ça que j'ai commencé le service avec Éphésiens 3, 20. Même chose pour notre Église. Mais oui, mais ça grandit donc bien lentement. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas vraiment de foi. Il y a des églises à Montréal ou autour de Montréal qui sont immenses. Pourquoi celle-là grandit pas? Qu'est-ce qui se passe? Ben, peut-être que je voudrais venir ici. Ben, là, ailleurs, il y a plus de monde. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. D'ailleurs, les petites, souvent les églises grandes grandissent, pas nécessairement parce qu'elles sont bonnes. Des fois, c'est le cas. Mais elles grandissent parce que les gens se disent, plus il y a de monde, plus c'est bon. Donc, on va aller là où il y a du monde. Et les choses, une église ou toute autre chose, un théâtre, un musicien, un peintre, une petite business, un petit restaurant, tu peux faire la meilleure cuisine, mais les gens se disent, il n'y a pas grand monde, pourquoi j'irais? Parce que tu es appelé à y aller. Parce que tu es appelé à être un des premiers clients qui va manger cette nourriture extraordinaire et en parler à d'autres. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est parce que c'est bon. C'est ça qui compte. Et donc, l'idée, c'est que nous, on a souvent une vision limitée de ce que Dieu peut faire. Oh, mais, je comprends pas. Moi, j'ai réalisé que moins tu as d'attentes, mieux t'es. Plus t'es heureux. Par exemple, mon voyage, moins j'aurais eu d'attente, plus j'aurais été satisfait. Plus j'ai d'attente, plus je suis insatisfait. La seule attente qu'on doit avoir par rapport à notre voyage, nos mariages, l'Église, c'est que Dieu est en contrôle et qu'il va amener des choses merveilleuses qui vont, de toute évidence, vous étonner. D'ailleurs, mon voyage n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pas du tout, mais pas du tout. Mais c'était encore plus intéressant. À partir du moment où tu deviens flexible avec la volonté de Dieu, nos mariages, nos églises, nos vies, nos études, notre travail, vous étonnera toujours, messieurs, dames. Parce que vous serez flexible à la volonté de Dieu. Waouh! Merveilleux! Je te suis, Seigneur. Je te suis. Qu'est-ce que le monde attend pour vous? Qu'est-ce qu'il désire pour vous? Entre autres, votre cash. Y a-t-il autre chose que le monde veut pour vous? Votre employeur, vos amis, votre famille, votre épouse, votre époux. L'épouse de Job dit à Job, en plein cœur d'un défi particulier, où il aurait perdu toute sa famille, ses enfants, tout ça, son épouse dit, « Rejette Dieu et meurs. Rejette Dieu et meurs. » Même sa propre épouse a des attentes par rapport à Job. Est-ce que Dieu pourrait vouloir autre chose pour vos vies, messieurs, dames? Est-ce que vous voudriez plutôt vous attendre à ce que lui fasse de grandes choses, comme Éphésiens 3:20, qui dépasse votre entendement, votre intelligence, des choses merveilleuses auxquelles vous ne pourriez jamais penser? D'ailleurs, je vous le dis, je suis dans le sujet, notre Église, mon attente, c'était que lui travaille. Et donc, chaque semaine, je suis satisfait. Chaque semaine, je vois que vous grandissez, qu'il y a des nouvelles gens qui se présentent, et je suis satisfait parce que c'est son travail à lui. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas mes attentes. À ce moment-là, je trouve une joie en lui. En lui. Quelles sont vos attentes par rapport à la communion? On s'arrête pendant un moment et on va prendre la communion ensemble. Mon attente par rapport à la communion, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire. D'ailleurs, on m'a demandé, je pense, la semaine passée, à quel rythme prenez-vous la communion? C'est une bonne question. Mon attente, est-ce qu'on le fasse chaque semaine? Mon attente, est-ce qu'on le fasse une fois par année? Mon attente, est-ce qu'on ne le fasse pas du tout? Mon attente, c'est que le sang et le corps, c'est littéralement ce qu'on prend dans le vin et le pain. Il y a des gens qui croient ça. C'est quoi votre attente? La communion, c'est vouloir communier, avoir une relation avec Christ. C'est une communication avec Christ. Avoir une attente raisonnable, c'est de dire, Seigneur, je prends la communion parce que c'est une façon mnémotechnique de me rappeler ton sacrifice pour moi. Et physiquement, de toucher des éléments qui me mettent en contact avec un sacrifice ultime, le sang, le corps de Christ. C'est un moment où on s'arrête et on se dit, ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Un moment où on se dit, son sacrifice est essentiel. Son sacrifice me change. Alors, une attente raisonnable de la communion, c'est cela. C'est de communier les uns avec les autres, parce qu'on prend tous des petits morceaux de pain qui sont cassés d'un craquelin commun. Alors, ça nous amène en communion, ensemble. Et c'est aussi une façon de dire... Ton corps a été cassé, brisé pour moi. Ton sacrifice est pour moi. C'est pour ça qu'on prend la communion. C'est ça l'attente qu'on devrait avoir. Une attente de joie aussi. Oui, on se rappelle son sacrifice, mais c'est son sacrifice, comme mon fils disait, pourquoi est-ce que Jésus est mort? Vous vous souvenez, il y avait Jésus sur la croix avec un X par-dessus, en deux mots, je ne veux pas que Jésus meure. Non, moi non plus. Mais sans sa mort, il n'y a pas de vie. Sans sa mort, il n'y a pas de joie. Donc, son sacrifice nous amène la vie. Seigneur, voilà notre compréhension des attentes que tu as pour nous. Tes attentes transcendent celles du monde. Tes attentes transcendent celles de notre famille, de nos employeurs, de nos époux-épouses, de nos professeurs. Ce que tu veux pour nous est merveilleux. Tu veux premièrement que l'on te connaisse, que l'on s'abandonne à toi, que nous vivions pour toi, et qu'ensuite nous puissions grandir dans la foi, porter des fruits être satisfait, être en paix, que notre cœur soit fortifié dans la forteresse, soit protégé par ta vérité. Voilà ton attente pour nous, Seigneur. Et ceci, celle-là, est libératrice. C'est avec ce cœur que nous prenons la communion ensemble, dans cette attente de communier avec toi, de communier les uns avec les autres, d'être en communication avec toi, Jésus. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.